Chapitre 7e. Martha arriva presque en même temps que Cyprien qui donnait des nouvelles rassurantes de Marie. « Demain, dit-il, elle sera sur pied. Elle a bien dormi. » On se mit au travail pour la toilette du mort. Martha fit remarquer que la chemise de Morel avait une tache de sang derrière l'épaule. « On va lui en mettre une propre, » proposa Cyprien. Martha chercha dans l'armoire mais n'en trouva pas, puis elle se ravisa. « Je crois qu'il y en a une dans la cuisine. » Elle revint effectivement avec une chemise propre et repassée. « Où était-elle ? » demanda Madeleine. « Bah, dans la panière du repassage, » répondit Martha, étonnée de la question. La besogne ne se fit pas sans mal, mais, grâce à Cyprien qui se chargeait de soulever le corps, les deux femmes réussirent à passer ses vêtements au mort. Bien entendu, on fit l'économie du caleçon et du tricot de corps. La chemise et le pantalon furent enfilés à même la peau. La redingote posa beaucoup de problèmes. Dans son fort intérieur, Madeleine pestait contre la rigidité du mort. On dirait qu'il le fait exprès. Puis, se ravisant, « Non, tu peux être excédée, mais ne sois pas méchante. » Martha, esprit éminemment pratique, trouva vite la solution. Elle ouvrit le vêtement dans le dos d'un coup de ciseau et chaque bras fut enfilé indépendamment. Une fois boutonné, l'habit était très saillant. Ils croisèrent les mains du mort sur la poitrine et mirent un crucifix. Morel était prêt pour recevoir ses affligés. Ils rangèrent la chambre, disposèrent des bougies sur la commode et la table de chevet. Madeleine demanda à Martha de l'aider à mettre un peu d'ordre dans l'appartement. L'après-midi du dimanche fut un des moments les plus pénibles de la vie de Madeleine. Les visites se succédèrent les unes derrière les autres. Des boutiquiers aux cols empesés, des femmes en robe sombre, entortillées dans des colliers d'obsidienne ou de jais, au milieu de flots de dentelles noires, aux chapeaux volumineux, aux corsets faisant remonter la graisse de l'estomac par les seins qui semblaient vouloir s'échapper du corsage. Au seuil de l'appartement, tous montraient une mine catastrophée comme s'il s'agissait d'un cataclysme, ce qui ne les empêchait pas de se goinfrer de biscuits et d'avaler des litres de thé et de café que servait Martha, de se promener partout comme s'ils étaient chez eux. Quel malheur, le pauvre! Ces mots étaient sur toutes les lèvres. La coterie d'amis de Morel ne dérogea pas à la règle. Pourtant, dans l'escalier du retour, il se poussait du coude et lâchait de gros rires. Madeleine avait mis des bottines à haut talon et dominait toute cette engeance de la tête. Elle dut faire le constat que ce monde n'était décidément pas le sien. Elle était à l'aise soit avec des gens du peuple, simples et vrais, soit avec des nobles déchus qui, ayant tout perdu, se consolaient dans les arts et la culture. Une seule personne sut lui tirer des larmes, sa marraine, qui à son arrivée lui sourit gentiment au lieu de prendre un air éploré. C'était la seule personne pour qui Madeleine avait une réelle affection. Elle eut envie de lui dire « Dis, marraine, comme ils sont laids, gras, bruyants. Fais-les tous partir. » Elle lui glissa tout de même « Regarde-moi-les, on dirait une bande de corbeaux. » Quand tout fut fini, Madeleine se laissa tomber dans le sofa et appela Martha. Dans un élan d'affection, elle l'entoura de ses bras. « Ah, Martha, vous m'avez tellement bien aidée. Sans vous, taisez-vous, madame, vous allez dire des bêtises. » Le lendemain, lundi, après la levée du corps, on accompagna le catafalque jusqu'à la cathédrale Saint-Sauveur. Madeleine, fidèle à ses habitudes, n'avait pas mis de chapeau mais posé une mantille en dentelle noire sur ses cheveux. Un mouchoir pressé contre le nez achevait de lui donner un air acceptable de veuve éplorée. On suivit ensuite l'enterrement jusqu'au cimetière Saint-Pierre. Tout était consommé et la nouvelle vie de Madeleine allait pouvoir commencer. Elle ne se sentait pas d'entamer ou de prolonger des relations avec les gens qu'elle avait côtoyés. Elle ne les connaissait pas et ne désirait pas les connaître. Si elle se faisait de nouveaux amis, ce serait elle-même qui les choisirait. Et puis, elle quitterait cet appartement qu'elle n'avait pas voulu pour un lieu plus retiré et plus tranquille. Seule, désormais, dans sa maison, elle se mit à repasser en mémoire les dernières heures et une idée lui revint à l'esprit, celle de cette corbeille de linge propre qui semblait être venue toute seule. Tout à coup, elle réalisa que Martha avait trouvé une chemise propre et repassée dans la panière. Pour faire son ouvrage, Marie procédait toujours de la même manière. Elle installait un molleton épais sur la table de la cuisine, puis elle remplissait de braise un lourd fer à chauffage interne. Elle plaçait la pile de linge froissé d'un côté et empilait ceux qui étaient repassés de l'autre. Il n'était pas rare qu'elle chantonnât tout le long de l'ouvrage. Madeleine se leva et alla vérifier. Or, aucune des pièces n'était repassée, la panière ne contenait que du linge froissé. Donc, Marie ne s'était occupée que de la chemise de Morel. Quid du reste du linge, alors ? Ceci laissait supposer deux choses. La première était que Marie avait dû venir dans la journée du vendredi. La deuxième était qu'elle avait cessé son ouvrage pour une raison quelconque. Elle était nécessairement venue avant que Morel ne s'étalât dans la cuisine, sinon elle aurait donné l'alarme. Pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout de son ouvrage ? S'il avait été interrompu, pourquoi ne pas être revenu le terminer ? Elle aurait peut-être découvert Morel mort sur le sol. « Ah !» se dit-elle. « Elle est peut-être revenue, mais a trouvé porte close. » Porte que Morel avait fermée à clé après son départ du matin. Il n'y a que lui qui ait pu le faire. C'était peut-être pour ouvrir Marie qu'il s'est embronché. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit de tout cela ? Elle en arriva à la conclusion que Morel n'était pas seul. Profitant de l'absence de sa femme, il avait invité une poule. Marie avait dû s'en apercevoir, voilà pourquoi elle n'avait rien dit à Madeleine. Il avait dû faire sortir la belle alors qu'il était à moitié nu et avait donné un tour de clé. Pour une raison quelconque, il était revenu pour ouvrir la porte précipitamment. Après tout, finit-elle par penser, rien ne prouvait qu'il se fût fichu par terre en voulant aller ouvrir la porte. Pas clair tout ça. Enfin, il était mort. Ça, c'était du concret. Puisqu'elle en était aux corbeilles, elle en revint à des considérations pratiques. Madeleine se mit à trier le linge à laver. Torchons, nappes, serviettes avaient été salis en quantité par les invités. Elle enleva de la corbeille la chemise de Morel qu'il n'était plus nécessaire de laver et encore moins de repasser. Elle remarqua alors sur l'épaule gauche une fine trace de cendre. « Bizarre, » se dit-elle, mais il n'y accorda pas plus d'attention et continua son tri. Deux jours plus tard, Marie Pouleuf réapparut, plus radieuse que jamais. Un minois frais et souriant changeait Madeleine de toute cette noirceur où elle avait baigné ces trois derniers jours. La vie reprit comme avant, entre Martha et Marie qui continuaient à remplir leur office, en attendant que Madeleine déménageât. Le soir, Madeleine posait le livre qu'elle lisait en réfléchissant à une foule de choses. La lumière se faisait peu à peu en elle. Son esprit semblait travailler tout seul, indépendamment de sa volonté, même dans son sommeil. Elle se livra à de nouvelles investigations, suivit de nouveaux raisonnements, et eut finalement la certitude d'avoir enfin découvert la vérité qu'elle garda pour elle-même, se contentant de trouver de nouvelles raisons pour étayer ses thèses.